Salut Roux, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier, mais qui mérite qu'on s'y attarde, Johnny, la star des pubs. Oui, tu as bien entendu, Johnny Hallyday a chanté pour plusieurs publicités au fil des années, et pas des petites marques. C'est fou ça, tu as quelques exemples en tête? Alors déjà, on peut commencer avec Optique 2000. Tu as vu cette pub où Johnny reprend son propre tube, Ma gueule, il me semble que c'était en 2006 à peu près. Mais cette fois, il chante pour vendre des lunettes et bien calibré. Je me rappelle de cette mélodie qui s'adaptait bien au thème de la pub. Vois ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Optique 2000, c'est pour tous deux paires pour le prix d'une. La deuxième paire est gratuite, même en progressif solaire. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Optique 2000! Ah oui, je me souviens. Cette pub a vraiment marqué son époque. Et ça a bien marché, hein? Les gens avaient bien réagi. Mais tu sais, Johnny n'a pas chanté que pour des marques de lunettes. Il a eu aussi une période où il a chanté pour des boissons. Exactement. En 69 ou 71, je me souviens plus exactement l'année au moment où on parle, et il a collaboré avec Ricard pour une campagne publicitaire. Des titres avec une ambiance western, Hello Gringo, Pauvre Dillinger Joe, L'étranger dans la ville, enfin bref, il y avait de mémoire 9 titres qui servaient en publicité pour Ricard. Le genre de pub qui fait appel à l'iconographie de Johnny, bien sûr, c'était parfait pour l'image de la marque. Pauvre vieux Dingy Dingo, vraiment tu n'as pas de chance. Au poker t'as tout perdu et quand tu es revenu. Pauvre vieux Dingy Dingo, devant les ruines fumantes. Ta maison avait brûlé pendant que tu te faisais fumer. Mais tu as ri, car, oui tu as ri, car tu avais pour te remonter un petit secret bien caché. Et tu as ri, car, oui tu as ri, car tu pensais que ça n'était pas, non pas si grave. Oui, effectivement, très western, je vois le genre. Bah, Johnny avec son côté rebelle, ça marchait bien pour des produits comme Ricard. Hein. Mais il n'a pas fait que ça. J'ai vu aussi qu'il a chanté pour Café Le Gall. T'imagines Johnny qui vend du café. Un peu décalé, non? À mon avis, il n'y avait pas du décaféiné. Oui, c'était en 90 ou 92, au début des années 90, en tous les cas. Même si ce n'est pas le premier artiste qu'on associerait à la vente de café, c'était bien pensé. Grand Arabica, c'est le café que j'aime. Grand Arabica. De Le Gall, le goût. C'est un peu comme quand Johnny a chanté pour Danone en 1989, avec la création d'une chanson, enfin d'un couplet, Envie de vivre pour toi. Johnny, même dans un yaourt, il faisait de l'effet. Que pourrais-je te dire que je n'aime que toi? Et que mon seul désir partager. Donnez Danone. Exactement. Remarque, il y a un truc magique avec sa voix. Il y a un autre exemple qui me revient, c'est en 81, je crois, Continental Edison. Là aussi, il y a une création musicale. C'est un peu la même logique. Johnny incarne l'énergie, le dynamisme et ça colle parfaitement avec l'image des produits. Tu peux faire le tour de la terre, elle sera toujours avec toi. Tu peux faire le tour de la terre. Et tout ce que tu vois, tu retiens la lumière, tu n'es plus solitaire, la vidéo est là, pour tout recommencer pour toi. Continental Edison. Caméra et magnétoscope portable, Continental Edison. Les loisirs, mon vieux, ouais. C'est sérieux. Ça permettait aussi à Johnny de rester présent dans l'esprit des gens, même au-delà de la scène musicale. Et de l'autre, il permettait à ses marques de s'associer à une icône. C'est un peu comme si Johnny Hallyday, à travers ses pubs, offrait sa cool attitude à ses produits. Oui, c'est un peu le côté rock'n'roll appliqué à la pub. Et franchement, ça a marché. Aujourd'hui, les gens se rappellent encore de ses pubs. Elles ont marqué les esprits. Et tu vois, ça montre que même une idole comme Johnny pouvait diversifier son art. Il a toujours su se réinventer, même dans la pub. Mais bon, là, on n'a fait qu'un tout petit tour et il y a encore plein de trucs à dire sur l'impact de ses pubs. Johnny, c'est pas seulement un chanteur, c'était une marque à lui tout seul. Absolument, et c'est ça le génie de Johnny. On se souviendra toujours de lui, que ce soit dans ses concerts, ses albums, ou même dans ses pubs, qui sont devenus cultes avec le temps. Bon, ça m'a donné envie d'écouter un peu de Johnny, tout ça. Et on ne peut pas passer sous silence non plus, même s'il ne chante pas, la toute première apparition de Johnny dans la publicité. En effet, en 1955, il a 12 ans, Johnny est présent pour une publicité pour les vêtements Alba. C'est le plus grand des trois enfants, et on le voit jouer au ping-pong en costume cravate. Il y a aussi les pantalons Big Chef, ça te dit quelque chose, JP ? Oui, il s'agissait de Blue Jean, hein. C'était dans les années 60 de mémoire. Puis il y avait même un disque souple, puisque je l'avais, qui était offert avec une pochette, il y avait Johnny en photo. Alors attention, hein, c'est pas Johnny qui chantait, c'était un groupe qui s'appelait Les Rockers, un groupe inconnu qui chantait The Big Chief Twist, ou quelque chose comme ça. C'était pour vendre du jean, quoi. Et Biker Tonic, tu connais ? Oui, c'était une boisson énergisante à base de plantes exotiques. Ça avait été créé par Eric Favre, un ami de Johnny à l'époque, spécialiste des compléments alimentaires. C'est sorti au printemps 1995. Mais fin 95, Johnny a fait la une d'un magazine People, raide déglingué, en sortie d'une boîte de nuit. Toutes les boutiques, du coup, ont renvoyé le produit et c'en était fini. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais quand tu regardes bien Continental Edison, et je reviens dessus parce que j'aime bien cette publicité, il faisait la pub pour une mini chaîne et un magnétoscope. C'était le top du son et de la vidéo de l'époque. Hein. Et puis, tant qu'on y est, on pourrait parler des chemises Playboy, de Caddy, des vêtements Maya, du Crédit Mutuel, des vins Terdome, des magasins Kiabi, des parfums Dior et des chemises Western Passion aussi, dis donc. En parlant de parfums, tu te souviens des parfums Johnny Hallyday qui étaient vendus, je crois, dans les Monoprix à partir de 1993? Oui, je m'en souviens, j'en ai quelques-uns. De mémoire, il y avait Extrême Rock, Passionnément, Follement, Biker, et il y en avait un dernier qui était Blues Note. Oui, c'est vrai. Et il existait aussi des coffrets parfums avec des CD offerts. Certains coffrets étaient même au format boîtier VHS. J'ai même une trousse de toilette avec un gel douche, une petite serviette éponge blanche et un échantillon de parfum. Et le tout labellisé retient la nuit. C'est normal, c'était la gamme de parfums que lui avait lancé, Johnny. Hein. Puis il en faisait un peu de pub pour sa gamme de parfums. Enfin, tu m'étonnes. Je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est tout pour aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Rook, à la prochaine pour un nouveau sujet. Oui, à très bientôt pour un nouvel épisode dédié à une autre facette de l'immense carrière de Johnny Hallyday. Salut ! Salut ! Darling baby, je t'aime, darling baby. Mais dis-moi si tu m'aimes, darling baby. Mais darling baby ne connaît qu'un tout petit mot de français. Et quoi que l'on veuille savoir, elle répond toujours Ricard. Darling baby, dis-moi, darling baby, qu'est-ce que je peux faire pour toi, darling baby? Si on allait faire un tour, si on allait faire l'amour, dis-moi d'accord pour ce soir. Mais elle répond toujours Ricard.